Unité 7, leçon 1, exercice 50. Reformuler. Exemple. Avec tout ce que j'ai à faire, je crois que je ne pourrai pas venir. Si je comprends bien, tu ne viendras pas. À vous. J'ai assez aimé, mais ça pourrait être mieux. Si je comprends bien, tu n'as pas vraiment aimé. Votre projet est très intéressant, mais il est difficile à réaliser. Si je comprends bien, vous ne le réaliserez pas. Vous avez de réelles qualités, mais vous n'êtes pas tout à fait le profil que nous cherchons à recruter. Si je comprends bien, vous ne me recruterez pas. L'hôtel était très accueillant, mais on a envie d'aller ailleurs l'année prochaine. Si je comprends bien, vous ne reviendrez pas. Je voulais l'inviter, mais je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Si je comprends bien, tu ne l'as pas invité.